justement ce qu'on ne veut pas. Attendre une vie pour penser comprendre. Enfin, que l'on n'a pas eu du jot. Destination douteuse.